Bonjour chers tipeurs, bonjour à vous, petit enregistrement spécial, rien que pour vous, pour discuter, parce que j'ai 2-3 choses à vous dire. Je suis devant ma borne d'arcade, je viens de lancer Willow. Willow, l'adaptation du film, éponyme par Capcom à l'époque, c'est l'un de mes jeux d'action plateforme préférés du grand Capcom de l'époque à nouveau. Et donc je teste un petit peu ce format pour vous parler. Je vais mettre des crédits. Voilà, vous entendez les crédits, je vais en mettre beaucoup parce que parler et jouer en même temps, hein, comme je le dis souvent, n'est pas Marcus qui veut. Et donc du coup, vous parlez, alors on va lancer le premier stage. Je suis pas trop mauvais à ce jeu, mais en discutant en même temps, je vais me poutrer, c'est sûr. Alors j'espère que le son est pas trop fort, parce que je peux pas trop régler le son de la borne. Hop, on va passer. Voilà, tout ça pour vous dire. Vous savez qu'il y a le bloc premium. Voilà. Là, au moment où vous aurez... Oh là, je suis en train de me faire dépouiller. Au moment où vous écouterez cet épisode un petit peu particulier, ce let's play sonore, hein, finalement. Hein, vous voyez, je suis toujours à la pointe de l'innovation, comme vous pouvez le voir. Il y aura donc 3 nouvelles... Enfin, qui avaient déjà été diffusées sur le Tipeee, mais 3 nouvelles revues de presse rétro qui atteignent le blog premium sur une trentaine hein, que je dois uploader. Vous savez, j'ai beaucoup de retard car comme vous le savez, au niveau de mon boulot de game designer, ça s'intensifie énormément et du coup bah, les heures sont de plus je viens de perdre une vie, les heures sont de plus en plus compliquées à débloquer. Donc mon but, ça va être avant la fin de l'année d'uploader quand même ces 30 revues de presse rétro et de réfléchir à la suite. Hop, je suis à la boutique. Hop, alors attendez, je réfléchis. J'ai combien de thunas 419. Qu'est-ce que je peux prendre? Hop, bon, je peux pas prendre ça. Voilà. Hop. On va sortir. Oui, qu'est-ce que je vous disais? Donc, et après, j'ai bien peur de ne plus avoir le temps, en tout cas pour 2019, de faire hop, des revues de presse rétro. Alors, ce cri de loup magnifique, hein, c'est dans le jeu. Hein. Je vous rassure, je ne suis pas attaqué par des loups en ce moment. Alors, il y a une belle cascade. Je suis très fan des cascades d'eau dans les vieux jeux d'arcade. Ça m'a toujours très impressionné. Capcom en a toujours des très belles. Il y avait celle de Toki aussi, dans l'avant-dernier niveau, si je ne fais erreur, qui était assez... Alors, je vais maintenir le bouton hop, d'attaque pour charger une grosse boulette, parce que là, je suis sur le mid-boss, avec son casque de... en forme de crâne, hop, et avec une cascade au fond, c'est absolument magnifique. Hop. Oui, donc, j'essaie de trouver... des nouvelles choses comme d'habitude. Alors, c'est pas la première fois que je vous en parle, hein, mais pour vous remercier d'être toujours tipeur, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de retard dans les revues de presse rétro et vous êtes à peu près toujours une petite cinquantaine de tipeurs, c'est à dire que c'est assez énorme quoi. Je voulais vous remercier vraiment de votre confiance et c'est vrai que là, donc avec le boulot, faire la revue quotidienne plus hop, là je viens de tomber dans l'eau comme une grosse patate. Allez, on met les écrans. Hop. Voilà, ça... Oui, ça devient compliqué donc pour les revues de presse rétro, parce qu'avant, je les réalisais effectivement les week-ends. Mais entre le boulot et la vie de famille, là, ça devient vraiment de plus en plus compliqué. Nouveau marchand. On va sortir. Et du coup, eh ben, voir avec vous ce qu'on pourrait faire, ce qui vous ferait plaisir comme nouveau concept de bonus. Hein, pas forcément d'émissions sonores même, enfin, hein, pas forcément d'un... des épisodes inédits du podcast qui de façon lui est toujours là 5 jours par semaine, je sais pas, des photos, des docs. Alors je sais que vous, certains d'entre vous m'ont rappelé les audiences. C'est vrai que ça, je le mettais sur Tipeee, je les mettais pardon sur le Tipeee, là j'arrive au boss, je les mettais sur le Tipeee effectivement régulièrement avant. Là ces derniers temps j'ai un petit peu oublié, je suis désolé, mais du coup oh là là là. Et du coup, je me demandais s'il n'y avait pas autre chose. Je suis en train de battre le boss en même temps, c'est un peu compliqué. s'il n'y avait pas autre chose effectivement que bah, qui pourrait vous faire plaisir et que voilà qui rentrerait parce que je pourrais me dire bon bah oh bah j'ai battu le boss, magnifique. Je récupère les pièces. Et là donc je vais incarner le chevalier du film qui s'appelait, j'ai un gros trou de mémoire, honte à moi, pardonne-moi Ron Howard. Du coup, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? C'est pas évident, hein. C'est sans filet, messieurs, dames, a cappella. Hop, donc là j'ai le chevalier. Oui, donc je pourrais tout à fait me dire, bon bah je garde la revue de presse, j'y vais effectivement 5 jours par semaine. Et puis voilà, le Tipeee, ce sera si vous voulez continuer à me soutenir, etc. Mais bon, vous savez, je suis comme ça, j'aime bien que vous ayez un petit peu quelque chose quand même. Bon, même si une réserve de 30 revues de presse rétro, c'est quand même pas mal. Surtout que je pense pas que vous les ayez toutes écoutées. Mais voilà, j'aimerais quand même vous offrir un petit quelque chose vraiment qui vous donne envie de, voilà, de surveiller l'arrivée de ce bonus, de ce petit cadeau. Alors vous savez qu'il y a aussi la grande revue de presse JV, hein, à partir de 10€ auxquelles vous pouvez participer à mes côtés. Oh là là, essayez de pas crever. Donc voilà, c'est une petite émission un peu spéciale déjà pour vous remercier de votre fidélité, voir ce qu'on peut faire pour la suite. En parlant des audiences, tiens, bah, je vais vous en parler finalement. Hop. Alors je surveille l'heure parce que. Hop, voilà. C'est un emploi du temps très chargé, n'est-ce pas? Hop, tiens, prends ça et je suis mort. Donc les audiences, aussi toujours au niveau des 40 000. Alors, c'est difficile hein, de quantifier une audience pour un podcast, mais enfin, si je me fie. Hop, au. Oh. Au stat de PodCloud hein, qui héberge le flux, on est à peu près à 40 000 hein, téléchargements écoute par mois. Donc voilà, l'émission n'a pas franchement baissé, elle n'a pas non plus franchement augmenté par rapport à la fin de saison, de la saison 1. Donc globalement, je m'en sors bien quand même, hein, effectivement. Je pense qu'il y aurait moyen vraiment de la faire monter encore plus en puissance au niveau de la communication, mais j'ai plus le temps de traîner sur Twitter la journée, c'est pas possible. Et je remercie d'ailleurs les tipeurs, les fidèles de l'émission, en tout cas qui font pas mal de promos sur les partages, etc., sur les réseaux sociaux. Ça, c'est vrai que c'est vraiment chouette de votre part. Et c'est vrai que je n'ai pas le temps de consacrer. J'ai quand même réussi à mettre l'émission sur Spotify. Hop, face de chariot. Sur Spotify, ça, je suis assez content malgré tout. Donc voilà, les audiences sont très bien. Je vous cache pas que j'aurais voulu qu'elles augmentent un peu plus encore cette année. Mais effectivement. C'est un peu compliqué, voilà, je ne peux pas me consacrer toute la journée à la revue de presse JV, car comme je vous l'avais déjà un petit peu expliqué, bah, je m'y consacre le soir après le dîner, le matin très tôt, et voilà quoi. Donc beaucoup m'ont dit qu'ils n'ont pas vu une perte qualitative de l'émission, et ça c'est assez chouette, parce que je vous avoue que quand je la fais le soir, je suis vraiment explosé. Il y a parfois, voilà, on a envie de passer une petite soirée tranquille, avec sa femme, ou de faire du Red Dead 2, n'est-ce pas, en ce moment. Mais voilà, tant que la qualité baisse pas et que l'envie est toujours là, puisque l'envie malgré tout est toujours là, je viens de me faire pourrir comme une merde, je continue, voilà. Et surtout, je ne veux pas que la qualité en pâtisse. Et c'est pour ça que votre soutien au quotidien est vraiment très important. Alors maintenant, concernant le Tipeee, voilà, dites-moi si vous avez des idées, effectivement, autre que émission spéciale, voilà, un contenu que je peux poster sur le Tipeee, etc. Je ne sais pas, d'autres types d'émissions, d'autres types de podcasts. Voilà, n'hésitez pas à m'en parler. Voilà, c'est vraiment pour vous faire une petite dédicace. J'espère que le son ne sera pas trop dégueulasse. Voilà, parce que là, je suis avec mon smartphone plus un casque, celui que j'enregistre pour l'enregistrement sur le PC pour l'émission. Et là, je viens de perdre. Donc, je vous dis à très très vite. Merci. Et puis, moi, je vais retourner me faire poutrer dans Wii U. Allez, à plus. Bye bye. Et panache et robustesse, bien sûr.